C'est hallucinant, hein, Tony. Ouais, on reconnaît bien la voix des deux points barres. Putain. Tony, entre Tony, Manu et Fildar, et Rigaud, putain, mais c'est hallucinant. Et Gérard, bien entendu, qui a pas trop apprécié qu'on se foute de sa gueule, il s'est vexé au lieu. Alors que je lui ai expliqué que c'est un peu comme les guignols, c'est la consécration que quand on est une star, on est imité. Gérard, Gérard est en train de fumer sa cigarette dans le couloir, il est pas content, il fait la gueule, donc voilà, c'est dommage, mais en tout cas encore vraiment félicitations. Bravo, bravo. Y a rien à dire, c'est du top top de chez top top. Quand t'as l'occasion de nous en refaire d'autres, t'hésites pas. Hein. Bah j'avais prévu de faire ça toutes les semaines, mais je sais pas si. Ah si. Je sais pas, Ah si, avec grand plaisir. Faire sur un débat, mais... Oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Voilà, donc... Bah merci encore. Pierre Fula pour préciser. Et n'hésite pas quand de temps en temps, Pierre Fula, tu peux également nous faire des petites engueulades entre Gérard et Fildar, si t'arrives à inclure ça dans tes débats, je sais que c'est pas facile. Petit à petit, hein. Ok. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? On les reprend en antenne. Qu'est-ce qu'il y a? Bah alors, fais pas la gueule, allez, merde, allez. Dans moins de 5 minutes sur Fun Radio, les débats de Gérard vont démarrer. La pression est mise à son maximum, que les radios d'en face s'accrochent, car le bulldozer de la bande FM va arriver. Le monstre par définition, on connaissait Alain Delon au cinéma, on a connu Spielberg en tant que metteur en scène. Et il y a sur la bande FM l'animateur qui, sans nul doute, va marquer ces 5 dernières années. Et à mon avis, c'est loin d'être terminé. On est au début d'une grande aventure. Encore 15 ans de signature pour un débat de Gérard, comme chaque jeudi. Un sur la poésie et un sur les séries télévisées TF1, entre autres, qui seront mis bien largement en avant grâce au Big Bill. Les débats de Gérard, si vous voulez y participer, 0800 70 5000, internet également à votre disposition, irc.funradio.fr. Et dans l'immédiat, Lenny Kravitz pour foutre la pression, les enfants. Toute la bande FM ce soir encore va cramer dans tous les sens. Prévenez-les, hein, Sky, Energy, RFM, Chéri FM, Nostalgie, RMC. Ouais, ils sont morts, eux. Europe 1, RTL. Gérard de Suresnes déboule sur la bande FM. Woo!

Non, mais t'éteins ça. Prends-moi. Il y a Tony qui veut te parler, donc tu te débrouilles avec lui. Donc, j'en ai rien à foutre. Tu peux reposer la question, s'il te plaît. Non. Je repose plus les questions. Les gens, même les gens de l'IRC, ils l'ont pas compris, la question. Alors, lors des émissions de jeu, jouez-vous à deux ou à plusieurs. Ou autre. Bon, alors. Quand vous... Alors, quand vous avez fini de me faire chier comme ça, ben, vous me le dites. Tu peux répondre, Gérard ? Bon, Gérard, c'est qui ? Je te réponds. Plus de nuit. Ouais, bah vas-y. Bah moi je suis un peu comme l'autre garçon, j'ai aussi qu'un chat, donc bah je joue toute seule, mais bah, si j'allais jouer avec lui, je veux bien. Hein. Eh, Gérard, tu gueules, mais si on a qu'un chat, comment tu veux qu'on fasse ? Bon, attends, pour l'instant, je t'ai pas sonné, toi. Bah si, tu m'as engueulé tout à l'heure. Non, mais pour l'instant, moi je t'ai dit, je t'ai pas sonné. Donc tu laisses parler les gens. Donc pute de nuit. Ouais. Donc pour toi ? Bah je t'ai dit, je joue avec mon chat aussi, donc jouer à deux c'est plus sympa, mais si le garçon veut que j'aille jouer avec lui, y a pas de problème. Mmh. Ok, Pipion. Ben moi je regarde comme ça. Je regarde la télé, je joue pas, ça m'intéresse pas. Ça te chauffe les fesses. Voilà. Ok, je pue la crotte. Ouais, je sens la crotte. Bonsoir. Moi je joue avec mon chat aussi. D'accord. Tony. Il est au standard avec Olivier, Tony. Ouais, je suis là. Donc moi, GG, moi je joue en famille. Ah, question pour un champion, mais comme c'est j'ai une famille d'immigrés, c'est enfin ils n'arrivent pas à répondre aux questions, donc c'est moi qui tout le temps. Bon Tony, tu vas te calmer. Tu vas te calmer parce que tu passes tout le temps semaine dans les débats. Écoute, bah je te kiffe, c'est pour ces 100% FN. Hein. Moi je te kiffe, je t'emmerde, ok. Mais Gérard, il a rien dit là. Bon, je t'ai pas insulté là. Et pour le même prix, je t'insulte, je te le dis direct. Hein. Bien Olive. Il est fan de dos quoi, Gérard. Comprends-le. Bon allez Gérard. Enchaîne. Allez. Alors, troisième question. Je répondrai après aux questions. Allez, abrège. Attends, si t'es pas contente, toi, tu dégages, ok ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bah, Gérard, allez ! Non, mais attends, celui qui s'amuse à dire j'insulte ton cul, je l'emmerde ! Allez, okay. Gérard. Pas d'insulte. Parce que là, ça va pas commencer comme c'est, ça. C'est pas okay, forcément okay, à toi okay. qui parle. Vas-y, enchaîne. Trouvez. Qu'est-ce que t'as, Tony ? Je t'ai dit de dégager. Mais c'est pas Tony, allez, Gérard. Je sens la crotte, c'est bon, allez, enchaîne. Eh putain, vous avez pas commencé à me casser les couilles au premier ! Gérard, on dit rien, alors fais ton débat. Alors trouvez-vous qu'il y a trop de pubs entre deux ? Entre deux quoi ? Entre deux culs. Ah bah, de toute manière, vous allez réfléchir, on va s'écouter. Les suçons. Attends, repose la question. On calmement. Alors, trouvez-vous qu'il y a trop de pubs entre deux et on va s'écouter. Voilà, attends, où est-ce que les gens peuvent nous appeler ? Au 0870-5000, c'est Olivier qui vous attend. Et sur l'IRC, il y a toujours Rigaud. Ouais. Donc, vous pouvez toujours essayer de nous appeler sur l'IRC. Donc, www.fr, Fun Radio. Voilà, tout à fait. Et on a dépassé les 2500, on est à 2782. Ouais, c'est bien. Déjà pas ça mal. Monte bien quoi. Donc Gérard, j'aimerais bien que ton débat se passe bien pour ces gens-là qu'on essaye encore de battre. Ouais, mais moi aussi, je voudrais bien que ça se passe bien. Donc on va s'écouter les soupçons de ma grosse sont les meilleurs avec des portes Gertel et on se retrouve tout de suite après. La dépêche de l'onda, mettons la, t'es qu'il y a un pont, t'as la, t'es qu'il y a des 17 heures qu'il roule l'ambiance.